du bon et pas tomber sa mineur. On continue, il fait tomber. Ça devient plein. Dans la bouche de ta chorale. Dans